Bonjour. Bonjour, bonsoir, mes amis. Je pense que vous allez bien. C'est à pied levé. Parce que nous avons dit que nous devons passer peut-être à partir de la semaine du 24 de ce mois, donc la semaine prochaine. Mais ce qui se passe nous a poussé de revenir rapidement, juste pour quelques 20 minutes. Pour que tout m'éclaire un peu. Merci, merci. Merci, Sanda Pembele, merci. Merci à tout le monde, hein. Je ne peux pas citer tout le monde. Merci. Voilà. Et tu es juste à point moko. Nous voulons discuter de Nairobi pour 20 minutes. C'est la sortie de Paul Kagame. Na France 24, je pense. Et tout le monde doit réagir. Je dirais, tout Congolais doit réagir. Et nous devons nous ébattre dans quel monde nous vivons. C'est de la colère. Des fois, vous manquez même de mots à dire. Pour 20 minutes, j'ai promis. Avant laissez-moi vous dire que pour que tu observes ce qui se passe. Et Congolais n'y ont soit une conscience, soit une bongo, Congolais n'y ont soit une bouti, y'a malam ou y'a qu'au raisonner, à comprendre ce qui se passe et à dédouaner M. Yombi que tout ce qui se rencontre par-ci par-là, M. Yombi azali pour rien. Merci, merci Nzambe, merci Kimbangu. Parce que la vérité, il y a toujours un escalier, malembe, pe et komaka. Vraiment, je remercie beaucoup Kimbanko. Merci. Et puis, naoutaiko koma post moko na Facebook na biso. Na lobby boye que ce que vous allez camarade nangai na Facebook. Dans les réseaux sociaux, vous allez amis nangai, vous yebi nga maram. Ce que moni na bloqué yo, ne venez pas me demander pourquoi vous bloquez ngai, qu'aucun de vous criez pourquoi vous bloquez ngai. Parce que je constate que les amis na ba mi, les amis na ndeko qui se disent azan ndeko nangai ya famille nangai. Tous les bateaux, tous les trucs qui appartiennent à un forum ébélé, ce n'est que normal, il faut tous se rouler entre les bisous. Tous les bandeaux, nazali na bandeaux, ou bazali, ba minangai, ba yebinga bien, y a des se ba yebingaï physiquement, y a des se ba yebingaï bien par ba recherche na bango. Ba yebinga très bien, ba camarade. Et bien, je suis un peu plus de temps, je suis un peu physiquement. Je suis très bien. Je ne peux pas comprendre que bandeko oyo biso nyonso comme tokoyi kozala na kati ya ba forum akoyi kozala na kati ya forum oyo bazali ko denigre ngai ndeko oyo camarade oyo garde silence comme si ayebi ngai te voire même azotia ba like na ba forum makambo bato bazali koloba mpo na ngai. Naebi que vous viendrez me dire non, prof Baloba Akaka. Donc, vous tirez ma camarade compréhension na binona. Si vous n'avez pas de capacité de comprendre, il faut vous taire. Là, non, prof Baloba Akaka, bon, Baloba Akaka, bon, te ngai soki na yebio. Soki na yebio bien. Nazali na kati ya forum. Bazali ko denigre yo. Na okende ko swana te, je vais dire automatiquement que non. Makambozolo, ce n'est pas vrai. Ngana yebiye, naboye, naboye, naboye. Alors, comment expliquer, vous êtes dans un forum, oyo, bazali ko denigre, nga yo yebi nga bien. Tu te dis, yo moko se présente, wana zan deko nangaye. Wana zan deko nangaye, azan deko nangaye, esika moko. Wana zan kamarade nanga, to solo laka na ye. Wana zan vraiment na yebiye, kamarade nanga. Oye langa inbox ozo ebisa nga prof tika batwana kwa landa bangote batwana ba hebiyo te ngana hebiyo me ozali na kati ya forum o bazali ko denigre ngai ozo like ba denigre ma wana. Alors j'ai décidé batu nyonso soki na moni mutu na kati ya forum moko na boite bozala na ba forum bozala na ba forum na bino ngape nazana ba forum. Mais ceux qui n'ont remarqué que par hasard, je suis passé dans le forum Moko, au bazali ko de nigre ngai, na moni ke yo poza na kati ya forum wana, au lobby ata eloko moko te, c'est que za amina ngati oyebi ngati, je dois te bloquer partout. Na ko bloquer yo. Je préfère rester ngai moko bien batumi balé. Qui me connaissent, ou la koyu koloba vérité que non, naebi moutouana na boy. Voilà donc. Ce que moninga na bloqué yo, ko kabwate, pourquoi a bloqué ngay? Donc, ce monique na zom, ozombo na nga soute, c'est que na bloqué yo. Donc, à partir de demain, je vais commencer à bloquer tout le monde. Naza déjà na liste, je pense, il y a 27 personnes comme ça, qui sont amis, bamsous, bazolo, bazolo, ba frère na ngay. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Alors, demain, on a besoin de processus pour bloquer Bango. Et ça, là-bas, il y a média. Tout ça, là, il y a bien. Tout ça, camarades, tout ça, bon, et Panabis, on appelle tout le monde journaliste, chroniqueur. Il y a une émission, il y a une bingaï, tout ça, là. Mais comment expliquer aux autres invités, mon plateau, mon toit, je dénigre la présence, na yo. Tu t'étais comme si on y avait été. Journaliste, on s'en a eu les alliés pour relancer mon tout. Non, écoutez, ma cambozo, le bana, c'est pas vrai. N'en a eu bien, n'en dengue ya bouye, n'en dengue bouye, n'en dengue bouye. Mais yo, zo yamba moutou, y'a binga bien, o yamba kangai, na plateau na yo. Oye, o yamba moutou, moussou, azan na opinion, au contraire, na ngai. Azali ko denigre ngai. Azali ko finga ngai. Et tu les laisses. J'ai bloqué na koyiko bombate, j'ai bloqué par exemple Gisèle Wumba. Je l'ai bloqué. Partout on a bloqué. Parce que c'est une dame qui me connaît très bien. A son laranga inbox, très bien alors. Très bien. Je ne peux pas comprendre à koyiko yamba moutou, même si tu as une vie contraire. A koyiko yamba moutou. Et elle laisse la personne ko finga ngai, ko dénigre ngai, ko finga ngai. Et avant de calme, c'est comme si Azali qui ne dit rien consent, comme on le dit. Alors, j'ai remarqué que c'est une dame Azali a mité, je l'ai bloquée, partout, n'a bloqué. Donc, Azali a besoin d'un gaïté, peut-être, c'est mieux Azali n'a pas tout, Azali n'a le coutan de Nguana. Donc, n'a pas bloqué tout le monde, même aux alliés journalistes, aux yamba ngai, aux yambi moutou, aux dénigré ngai, aux zoko fina ngai, j'étais bloc. N'a l'obité que batouba yako fina ngati, moutako yako yako fina ngai, moutako yako dénigré ngai, mais il faut qu'on relance. Parce que ngai na ebi moutouana na boye, na boye, na boye. Voilà. C'est ça le journalisme. Ngai la comprenakate batou. Oui, on s'improvise. Toi, journaliste, hein, à un certain moment, bon, tu as la caméra malamo, tu as le téléphone malamo, on s'improvise, koloba malamo, on s'improvise, journaliste ou bien chroniqueur. Mais quand même, il faut chercher koloba maba livre, autant quand même. Hein. Tu te fais passer pour un journaliste, mais luka pe maba livre, autant quand même. Oye ba journalisme ezan ndengeni. Parce que journalisme ezali ce qui mutoyer ko pesa ba information o ezali fausse mutoyer pona ko dénigrer mutu yo yebi mutu en tant que journaliste o yamba mutu wana o komisi mutu wana na plateau na yo et par la suite quelqu'un qui vient o yebi très bien que cette personne a même na capacité ta mukita ko segaler na mutu azolo bela mais au vendi calme tu laisses passer tout. Alors aux amis, je te bloque, désolé. Pour nous, aux journalistes, c'était aux chroniqueurs, je te bloque. Voilà, donc je commence à bloquer. Gisèle Oumba a été la première, je l'ai bloqué partout. Je regrette, bonne chance, Naye. On a passé un bon moment. Yakoyamba, on a plateau, Naye. Mais en tout cas, elle n'est pas sérieuse. Désolé. Voilà. Alors, Toyana Makambuya, Paul Kagame. Mes chers amis, Lelo Paul Kagame a parlé, je pense, hier. Bon, hier et pas yaba tout bazana Congo ou bien en Europe. Paul Kagame a parlé hier. Interview naïe na France 24. Tout le monde, bisika nyon songa na kendaka, tout le monde a ébi très bien que Congo na biso ça fait pratiquement 24 ans. Oyo. Ba massacre ezali koleka chaque jour qui passe na mboka na biso. Moto nyonso ayebi. J'ai lu un rapport ya ba professeur moko ya université ya Chicago, je pense, oui, ya Chicago. Nazo me rappeler université, mais en tout cas c'est aux États-Unis. Oyo et j'aurais qu'il y en a 2014 ou 2015. Ma professeur, on a basali koloba, ce sont des Américains. Basali koloba qui est na Congo, chaque une heure, au moins 30 personnes basali violées. Basi, banana bichamike, ba mama na mi bali. Chaque une heure, 30 personnes basali violées. Et vous voyez très bien que si na loba yango peut-être kalaba tu basi babosa na ce que aujourd'hui ba conflit nyon son amende ba conflit nyon so eleka na monde sangisa na ba covid oyo parce que ezali pe conflit médical ba covid oyo ce que sangisi makambo yo nyon son amende o additionné yango donc to loba à partir ya il y a deuxième guerre mondiale. Au bani ko sala sommation. Na ba victime nyon se va conflit oyo nyonso après deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui bombe ya ba américain na Hiroshima na Nagasaki plus ba combien ba kufaki kuna plus aujourd'hui ba tsunami nyonso plus conflit ya Iran Irak plus conflit ya Palestine Israël plus conflit Il y a Libye, plus World Trade Center, plus. Donc, le conflit n'yonso où il est dans le monde. Au sali sommation, nango, combien de victimes est causé. Dans le conflit n'yonso longola, makambu ya Congo, zwa ba parti n'yonso et tikali ya monde, le conflit n'yonso après la Deuxième Guerre mondiale. Ça la sommation, nango, plus, et pesi combien de victimes. Au Tchepembeni, Yaka na Congo, depuis 1994, Tilelo, combien de victimes bato perdre, combien de bato perdre na Congo? Vous allez remarquer, et tout le monde a yebiango, que le nombre de victimes ya Congo, et l'équisommation où il y a un conflit nyonso où il y a monde après la Deuxième Guerre mondiale. Moutou nyonso a yebiango. Sauf par miracle, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Je dis bien Moutounioso. Quand je dis Moutounioso, je ne fais pas allusion à Congo. Moutounioso, ça veut dire la monde. Oyoazo s'intéressait à Yébaba conflit à monde. Moutounioso a dit très bien que ba victime congolaise, ba leki, ba victime nyonso oyo ba koufi après deuxième guerre mondiale, na ba conflit nyonso ya monde. Bokoyiko ba kisakoutou ba victime ya COVID. Paul Kagame, na France 24, azali ko nye, na Congo massacre ta moko ezate. Na Congo massacre ata moko ezate. C'est-à-dire que en Afrique centrale, massacre et leki kaka na Rwanda, génocide rwandais. À part le génocide rwandais, selon Paul Kagame, il n'y a plus autre massacre en Afrique centrale. Et vous allez voir que Paul Kagame, il doit être malade. Parce que na tango ba tout nié, a nié ba massacre na Congo, ta moko ezate. Nyama moko a koufite na Congo. Moutou moko a koufite na Congo. Victime moko a zate na Congo. C'est-à-dire, il n'y a pas conflit au Congo. C'est-à-dire, il n'y a pas problème au Congo. S'il y a des victimes, peut-être, et que vous avez des victimes, il y a des maladies, des victimes, il y a COVID, selon Paul Kagame. Mais il y a une autre question. Il y a des journalistes qui ont appuyé, qui ont supporté l'état de siège. Oyo, il y a na Félix, na Kabila, ba monté na est ya mboka na biso. Kagame dit, oui, Azaliko supporte état de siège wana. Mais comment expliquer? Parce que état de siège m'a déclaré à Kayango, s'il y a un problème sérieux, oui, Azali, ko bebisa, sécurité yamboka. Il doit y avoir un problème sécuritaire. Alors, Kagame dit, il n'y a pas de victimes. Surtout qu'il y a une logique, il n'y a pas de victimes, ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit. Mais comment est-ce que lui-même Kagame et son bébé Félix, tu sais qu'il dit, baillé qu'on déclarait état de siège, se baser sur quoi? Se baser sur quoi? Moi, je pense que les lots déjà, à partir de l'obi, Natango Kagame à l'obaki, tout le monde a une réaction officielle. Na Kinshasa, tout le monde a été mona, ambassadeur à Rwanda convoqué, na ministère des Affaires étrangères. Tu viens tout le monde à ma réaction, na parlement. Tu viens tout le monde à ma réaction, na sénat. Tu viens tout le monde à ma réaction, na opposition. Tu viens tout le monde à ma réaction partout. Mais hélas. La dixième reine limitée, Zali fait silence total dans le gouvernement. Et Bango Nyon se va conseiller à président, tout le monde va aller à Paris. Pour enregistrer réaction à ta mokoti. D'office, la réaction de Paul Kagame a zali co-indexé le docteur Mukwege, disant que docteur Mukwege a zali mutubazo pesaye maloba koloba. C'est une personne qu'on utilise pour naba agenda mususu. Il semblerait que Paul Kagame a zana ba service ya malamu ya koye babatu. Il fallait d'abord savoir qui est docteur Mukwege. Parce que docteur Mukwege, si c'était ba politicien na biso otozali komona na Congo, il serait déjà na Kinshasa. Il serait déjà quelque part. Docteur Mukwege, c'est une personne Oyo a sacrifié vie na ye pour nous sauver ma vie. Tolobagamo toujours, et nous l'avions dit une fois, qui est docteur Mukwege, mérite notre protection. Congolais nyons il faut protéger ye, partout où tous allés. Pour protéger ye, ils allés kakati au kendepembe na ye, au surveiller nani azali koya ko sala emabe. Protéger par des réactions ce qui bon moni des gens qui sont instables mentalement comme Paul Kagame pour menacer une personne ou azali ko sauver ba vie ya bana na biso ya basi na biso ba mama na biso na niveau à Congo c'est difficile pour que docteur Mukwege soit protection parmi la population congolaise. Parce que la population na biso, hélas, c'est une population oyo qui ne résonne que na libumu na bango, qui ne résonne que selon sentiment d'ingézali kotinda bango. Le même Paul Kagame, on a vu des gens l'applaudir na stade, et pourtant tozala ki biso nyonso awa lumbe lumbe na Paul Kagame. Car Paul Kagame comme ça, Paul Kagame comme ça, ce qui était d'ailleurs vrai. Lelo automatiquement pour na libumu pour na vendre Paul Kagame devient quelqu'un à applaudir. Mutumo a croyé qu'on dit maté que un Paul Kagame peut atterrir na aéroport international na biso ya Njili escort public baké na yeti na stade, tout le monde debout, tout le monde azobeta maboko, tout le monde ovationner la présence de Paul Kagame. Avant de commencer à condamner Paul Kagame, pourquoi ne pas commencer par nous condamner nous-mêmes? Parce que bato ba betela ki Paul Kagame ma boko na stade bazala ki ba Rwandete, c'était les Congolais. C'était les Congolais. C'est pour cela que l'obaka toujours Ezali passe pour na ko sala lutte. Ezali passe pour na ko lutter pour na mboka. Parce que pour na ko lutter pour na mboka, ce que vous allez ko condamner ce qui se passe ailleurs contre Bino. Talape et pa inayo moko so que ezali koleka. Congolais atala kama kambo anati. Congolais atala kama kambo anati. Congolais, ce qui libumunaye est allé remplir, ou remplir libumunaye, ma benyon soko sala. Yako tala ya moti. Yako lobakaka ma be oyo yo zali ko lobele ya batu msusu. Oyo moko zali ko sala yako tala moti parce que yo zo lesaye. C'est ce que nous déplorons. Je disais donc que réaction à Paul Kagame, il faut étendre une réaction nationale. Même Satan lui-même a zali ko kamo. Paul Kagame réagit ndenge moko ndenge bande ko na biso ya 10e rue limité ba raisonnaka. Ba réaction na bango kaka ndenge moko. Bazali ko kosa na ndenge moko très sérieux comme un air moko avant de calme comme si cette personne est sérieuse. mais azali ko kosa na ndenge moko kosakana te. Heureusement que ba journaliste wana bazala ki bazali ba journaliste na biso te. Ce qui bazala ba journaliste na biso ba congolais. En réalité, bazali batu moko, il faut quand même kota la pe bango parce que quand Paul Kagame azali kokosa na présence na bango. Et vous comprenez que la réaction ezala ki penza o ekoki kozala te. Alors, na kondane yango te parce que bazaba journaliste au service ya Congo te, bazaba journaliste au service ya Paul Kagame, au service ya batu bazali ko soutenir Paul Kagame. Mais ce que nous exigeons, c'est la réaction congolaise, la réaction nationale congolaise. Ba moro nyonso tokufeli. Paul Kagame oublie que ye, na frère na ye Museveni, à deux reprises, ba kota na Congo na ba armée na bango. Babunda, Baboma, Bapanza. Paul Kagame azali ko niye yango. Paul Kagame azali ko bosana. Na bato ebele oyo bazali ko tia makelele biso, biso, biso, biso. C'est pour cela que je dis toujours que eza pasi pona ko lite pona mboka. Parce que nous connaissons beaucoup de gens oyo bazali ko tia makelele biso tozali ko lite pona mboka. Mais to mona bango basengata pardon te. Paul Kagame, Balongwa Est, Rwanda Kuna, Bazwa Bavion, ils ont atterri na ba Congo, na complicité à ba Congolais, na tête na bango Ondekane. Pembeni ya Ondekane, ba Congolais, bazalaki la plupart, ba o bazali ko tia makelele lelo. Biso, biso, biso, tozali ko défendre mboka, biso, biso. Mais batu oyo bazali ko tia makelele biso biso congolais mémoire na yezala kamu kuse lokola mwano bakenda na ba Congo bakata kura ya inga ba congolais oyo bazali na diaspora bakenda na Ondekane na ba Congo bakata kura bana na biso na bopito na ba couvez bakufa batu bazalaki na ba bloc opératoire bakufa. Moi, j'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon enfant. À cette époque, moi, si nanga bota ki ba jimo. Parce que bote bandi na 19h. Ba Rwande, na ba Congolais lokola ba Ondekane, na ba oyo bazali ko tia ba makelele na diaspora. Ba kenda na ba Congo ba katakura. Tout le cas hôpital, ma femme na terre, il faut bota. Tout le cas hôpital. Hôpital est athée, ba Rwandais partout. Tout kenan hôpital, ba ma sœur qui est Ngassani, moyen est athée. Tout comme ma maman yemo, moyen est athée, bo komate, kamu est athée. Dji pa ba militaire, me mabiso. Na hôpital, le roi Bordeaux ya Massina. Tout comme akuna moyen est athée, il faut que la maman yemo. Toke nanzela ki ngabwa mwaye ezate bo balusa bo kota hôpital Saint-Joseph. Arrivé la trop tard, 9h du matin. Tolongwe 19h na Njili, quartier 12, dit quartier 1, 19h. Toke koma na Saint-Joseph na 9h jour et l'andaki, 9h du matin. Trop tard, opération mwana mwa kwasi akufa. Tous ceux au bazali ko tia ba makelele. Bon mon attend mutu moka senga bino pardon que oui à un certain moment même si tozali kotoyo tozolo ba biso ba tozo de bundela mboka mutu msusa ya ko bundela mboka te ko kota te ko yo uti wapi ba senga bino ta pardon ba kata courant république mobimba ba kata courant. Imaginez-vous ici ka bo vandi ba kata courant république mobimba noir. C'était Paul Kagame na Nimsusu. C'était pas Paul Kagame. Alors, J'avais dit que n'ayez vraiment pas de manifester sentiment d'anga ya colère. Et Nalobaï que Nakoloba juste après le 24, mais je ne peux pas supporter. Il faut qu'Obima quand même Koloba quelque chose. Nous avons besoin d'une réaction nationale. Il faut prouver dans le négationniste Oya Paul Kagame que même si tous alliés ben naïfs, même si tous alliés ben naïfs, à un certain moment, il faut s'arrêter pour dire trop c'est trop. Il faut se dire trop c'est trop. Mbokanabiso, tokoki ko supporter tes bateaux, ba saboter en gros boyer. Et pourquoi c'est la réaction de Félix? C'était parce que Félix, au fait, c'est Paul Kagame. Vous voyez-vous, Paul Kagame à côté, Félix dit quoi? Hein? Bonjour, mon frère. Mais Bissou Azali Kobenga, Bissou Bandoki. Paul Kagame, c'est son frère, son partenaire. Félix est content. Paul Kagame Azali ko nié. Ba massacre na Congo. Moutou moko akoufate. Moutou moko akoufate. Félix est content. Ba Milouvor baza content. Dixième riz bangonio so bazali ko sepela. Et bino batu bo perda batu na biso. Kamwenansap, na Beni, Nord Kivu, Minembwe, Bakongo, Bundudia Kongo. Bino nyoso oyo bo perda directement bandeko. Bozali wapi. Bozali wapi. Parce qu'au fait, notre problème, ce n'est pas la réaction, ce n'est pas Paul Kagame. La réaction, c'est celui qui couvre Paul Kagame. C'est celui qui a lavé Paul Kagame. Réaction, la mission, il faut les aller épaïnaïe. Épaïna bango. Mais hélas, Congolais, bon. Pff. Congolais, naouti vraiment qu'on soit une bonne leçon. Naéba qui était Congolais. Vraiment, analyse, nangana salaki qui était Congolais, et zalaki mabé. Naouti qu'on remarquait vraiment. Non, Satan existe. Elle m'a dit que Satan existe. Mais en tout cas, ce qui s'est passé ou ce qui se passe, j'ai d'office compris que réellement Satan existe et moi, Nazali ko vivre ma réaction à Satan. Nazali ko vivre. Et je pense que, je ne pense pas, je confirme que Satan travaille très bien dans les corps d'un Congolais. Satan, quand il est à côté de nous, il y a un peu de temps, bien dit. Mais Satan, quand il est à côté de nous, d'un Congolais, il va très bien travailler. Et Nazali, qu'on remarque, Nazali, qu'on vivre. Et comme vous le savez, Bisoto, Nazali, Batou. Batu oyo bazali na kimbangu na sima kimbangu liboso toleka obstacle belé na vie à un certain moment ko ko vanda pour lobby ah est-ce que kimbangu tuna parce que ce que j'ai vécu là en réalité il fallait na kufa alors ils allaient vraiment triste. Ils allaient triste. Il y a comme on a que Mboka, il y a plus de 80 millions d'habitants. Groupe, il y a Batou Moko, donc Kagame, Félix, Kabila. Ba dominé Bisson un modèle, oyo que nous n'avons pas même le courage, il y a qu'on dénoncé un mot. Ils allaient triste. Ezali triste. Je disais donc, Tozali Baponami. Et pour na ko lutter pour na mboka, ma coquille a ko lutter pour na mboka Ezali, et puis tous allez continuer ndenge to lobaki yango que ba surprise na biso ekozala toujours oyo kamusa bato nyonso. Et voilà, donc je demande la technique va bloquer le monsieur là. Et voilà, Nazali Koloba, merci beaucoup. Nazali Koloba, ce que Paul Kagame a dit, voilà, l'envoyé à Satan Moussa Zoloba aux Ali profiter. Vraiment, deux fois ça fait rire. Hein. Hier, oui, vous allez profiter. Alors, mais ceux qui vous allez profiter, mais naza congolais, n'est-ce pas? Naza congolais. J'accepte, Ndenge Bolobi, naza allez profiter, mais naza congolais, n'est-ce pas? Alors, c'est tout. Essentiel, yangwana, naza la congolais. Est-ce que vous parlez au nom de qui? Na kombo ya Congo ou bien na kombo ya ni? Naza lo bate, na kombo ya prof, naza lo ba na Congo, na komba Congo. Je suis congolais. Alors, ceux qui nous allons profiter, ben, demandez à vos leaders où vous allez vous supporter. À la Kisabiso, y a vous allez nani. À la Kisabino, même bout de papier, moko et sika alika. Que ce soit Félix, que ce soit Félix, que ce soit Kabila, que ce soit Bamoussouana, Poamouke. Alors, voilà Kisabino, vous allez capable de quoi? Voilà donc, mes chers amis, franchement, la réaction nationale n'est pas autre que le bateau s'en a besoin d'un mot. Et ce qui est réaction, on a officiellement exalité et paix aux alatés et aux ala jamais. Mais en tout cas, nous demandons la réaction y'a bas Congolais, Oyo, bah yébi qui est aux alives, bah victime, y'a politique, y'a Kagame. Tous allez bah victime, il y a politique, il y a Félix. Tous allez bah victime, il y a politique, il y a Kabila. Tous allez bah victime, il y a politique, il y a bateau nyonso bazali ko luka moyen ko vivre sur les dos ya ba congolais. Bazali est belé. Bazali est belé. Alors, ceux qui bazali ko continue toujours, si Kagame continue toujours. Il y a comme menacé Bisso, il y a comme menacé Batoloko, le docteur Mukwege. Je vous assure, c'est parce que Bisso va Congolais toujours permettre Bango Basala Yango. Parce que Bisso va Congolais toujours aller silencieux na ba action na Bango. Yango ezali ko pesa Bango opportunité de continuer. Kolobela mboka na Bisso, ko menacé Bisso. En ce qui nous concerne, vous montrez déjà que il y a une semaine, un gouvernement qui a payé une société au côté de la Kabatou, bah hiker, pour que bah saboter bah courriel nayo, batala bah courriel nayo. Et tellement nous allons protéger la société Moussousou, cette société nous a signalé que non, il y a une compagnie internationale engagée par un gouvernement au Basali qu'on tentait, n'est-ce pas, bakote na ba boîte si a courriel na yo. Et na zwa ki pe information wana, il y a compagnie où ils allaient protéger Bissou, ils allaient une compagnie internationale, batindeli Bissou, mais ça, je vois que non. Il y a une compagnie engagée par un gouvernement basali ko tenter ko kota na boîte boîte ya courriel nayo et na kozonga pona ko signaler lo comme susu parce que cette lutte autobandi ba conséquence ko sera toujours et nous sommes préparés ya ko subir ya ko faire face na ba conséquence wana. Vous avez vu soi-disant une usine ya Hyundai oyo bazali kofungula na mboka ya na Bakongo na Congo central. Je vous signale na kopesa ba détails que cette usine ezali tentative tentative d'acheter M. Yombi. Ezali tentative. D'abord, les gens oyo bomona ki na télévision na Congo ke bato ya Hyundai ba uti mboka Corée ba ke kofungula usine ya montage ya ba camion ezali Hyundai te ezali auto benga ka na anglais ba broker c'est-à-dire ba intermédiaire na mboka Corée ezali na ba compagnie ya ndenge wana ebele oyo bakenda koluka basalaka ba étude ya marché ba kei quelque part ba monique non awa soki to ba fungoli usine par exemple c'est un exemple usine ya Hyundai musale ko sala ma malam ba ke ko négocier soki ba négocier ba yesi ko yo ba jui résultat ba yesi ko ko négocier avec la compagnie que non biso to kenda ki na mboka songolo to sali étude ya marché to monique soki to bo implanter usine na binokuna ba profit ko sala malam. Alors maintenant, l'usine ou bien la compagnie industrie, bango pe na kati na bango à l'interne, ba analyser ce qui va dimi yango. Après, ba ke ko investir. Mais ce qui va boyi, ba ko investir. Donc, ce que vous avez vu au Congo, les gens que vous avez vu au Congo, oui, c'était des Coréens, mais ce ne sont pas des Coréens qui sont venus de ya industrie Hyundai. Ba zali ba broker, ba intermédiaire. Ba kenda ko négocier pour na ba compagnie presque belé ba Samsung ba LG ba kenda ko négocier. Alors, mais ce qui est vrai est que ezali tentative en échange avec une personne. Vous allez bien informer et on va voir ce qui va se passer. On va voir. Alors, comme dans le bac, oh, voilà, 40 minutes déjà, j'avais parlé de 20 minutes. Naye awa juste pour nous dénoncer avec fermeté ma propos y a Paul Kagame au azali qu'on nie ma massacre nambo kanabiso. Même Satan y est mon azali qu'au camo. Et na moni awa ne bandeli na utai koloba, je résume toujours si ça na bandeli to utai koloba na utai koloba que ba camarade na ngai, parce que au fait sur tozali ba mi na Facebook toza ba camarade te, il faut faire la nuance, sur tozali ba mi na réseaux sociaux tozali ba camarade te, on est juste ami na réseaux sociaux, c'est tout, on se connaît pas, mais il y a une catégorie ya batu oyo ba to yebani physiquement ou to yebani tozali bandeko tozali vraiment ba camarade ezali ya groupe wana ona lobeli te soyi tozali ba camarade et que tozali pe ba mina réseaux sociaux soyi tozali bandeko et tozali ba mina réseaux sociaux soki na remarqué que ozali na forum moko nazo pe kisa batu bakota na forum te ozali na forum o bazali ko denigre ngai, bazali ko finga ngai, ozali ko loba momo kote, kuto ozali ko like, makam bazali ko loba, je te bloque. Et na wuti ko pes exemple, awa na moni commentaire moko, quand je parlais de madame Gisèle Wumba, madame Gisèle Wumba, aza, c'est une amie, qui m'a contacté pour aller canater na chaîne naie, et à partir de là on a tissé quand même amitié tout sur le lac, sur les Cambrésali tout sur le lac. Je pense que azali kaka ami na Facebook te to comme le cola moi ma camarade, même si tu y es banité to kutanati azali madame que je respecte beaucoup ayebingai très bien. Ayebingaï très bien, mais je ne peux pas admettre que Moutou Ayebinga très bien, c'est une chroniqueuse. Ayebi, y a moi na zolo baké, soit toujours ça na musala oyo, soit que vous avez la formation na ngote. Nous avons bapé sur ma coquille ya koloba, ya ko diffuser ma loba, tout le carapé moyen ko tanga la quelques ba livres, ya journalisme. Je disais que Azaline Deko Ayebinga très bien. Je ne peux pas admettre que ayamba mutu na plateau na ye na boita ayamba batu, mais ce qui mutu azoya na lokuta azali ko dénigrer ngai yo yebinga bien azali ko dénigrer ngai azali ko finga ngai oko relancer yete silence total comme si parce que na koyiko leka na chroniqueur moko bien na chroniqueuse moko o yebinga te quelqu'un peut venir na chaîne na ye ko finga ngai ko dénigrer ngai ça va parce que chroniqueur on a yebinga te chroniqueur on a yebinga te. Mais quand on dit, par exemple, j'ai donné l'exemple à Mme Gisèle Oumba, elle est très bien. Quand elle reçoit quelqu'un à plateau, les gens sont là, il faut tourner ma question, il faut répondre. Mais tant que Moutouana s'est lancé dans le finga, à s'est lancé dans le dénigré, il est très bien. Aucune réaction pour recadrer. Que non, le finga est dans le plateau, mais non. Qu'on dénigre Boyete, on a naïe bien la dinga Boyé. Ils allaient m'abêter. Parce que mon salaire journaliste, ils allaient qu'on recadre Moutou. Ils allaient qu'on finga, on recadre Yé, qu'on a plateau, on qu'on finga Ti. Hélas, j'ai compris ce que j'ai compris. Alors, j'ai remarqué que ce n'est pas une dame qui a ami dans les réseaux sociaux ou bien camarade. Il y a un exemple que je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué quand il y a mon côté. Mais belé, ça va continuer. Ça va continuer. Voilà. Donc, voilà un message qui est là qui na journée à l'élo. Merci Mingi. Je suis un peu plus de temps pour vous. Mais je suis un peu plus de après le 24. Mais pour Kagame a secoué tout le monde. Pour Kagame a ningi si même baoua na biso ki mbango azo gamga. Alors, Congolais nyon se si kozali, tozali koze la réaction na yo, pour dire à Paul Kagame, avant qu'on y en a ba interview ko loba matamba Congo, il doit d'abord kozoa médicament na ye o azoaka. Peut-être ndenga lekaki, azoa ki médicament na ye ya moutouti. Alors, il faut azoa médicament avant ayako ayana ba négationnisme ya boui. Alors, réaction ya Congo exacte. On a attendu que tout ce soit une réaction officielle ya Congo exacte. Et qu'on a répété, Félix Akoya n'a jamais. Et fête, basali ko sala na réaction ya Kagame. Tolobaki, il faut qu'on protège le docteur Mukwege. Azali parmi barar, ya batuna biso, oyo basali ko défendre biso, basali ko pesa vie na bande ko na biso. Chez nous au Congo, on détruit que la qualité na biso. Na Congo soyi mutoyé na qualité, il faut kakaba détruire. Il faut kakaba détruire. Donc ce qui mutuloko a adopté Mukwege na les lois azali na vie, en tout cas il faut se dire que ezali ngolo ya Nzambe. Ezali ngolo ya Nzambe parce que Mukwege à l'interne na mboka na biso, personne ne le protège. À l'externe, personne ne le protège. Donc, ce qui m'a dit, c'est que vous vivez dans la journée à l'élo, et vous vraiment grâce à Nzambe. Et on va continuer toujours comme ça, prier pour lui, prier que Moli Moyakimbangwe sera toujours naïe et protégé. Bangouna Nabiso à l'interne comme à l'externe, ba joyeté. Voilà, mes chers amis, ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui, tout dans la semaine prochaine. Merci Nabino Nyoso, merci Nabandeko Oyo Baye Awa Pona Kofinga, merci au Baye Ko soutenir Biso. Tous allez toujours ensemble et courage à vous. Merci Gédéon, merci beaucoup, merci en tout cas. Tokutani semaine prochaine. Au revoir. Ah, Félix, merci. Merci, désolé. Merci. Bye bye.